Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-là. On voudrait s'aimer, on se chasse. Pousse-toi de là. Mon cœur est un papillon doré. Il ne résiste pas. Sans cesse fragilisé. J'espère qu'on ne le brisera pas. J'aimerais tant que l'on remplace ce monde-là. Qu'on claque les portes, qu'on brise les glaces. Mais ça ne se fait pas. Et si on emporte mes chaînes, qui me libère? Laissez-moi crier.